Oh, la marche, c'est un truc toujours de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Chaque fois renouvelé de vous retrouver ici sur RIG 90.7 dans la saga des Fab Four. Nous sommes le mercredi, oui, ça c'est une certitude. On est même le 16 mai, déjà, oh oui, ça passe vite. Donc 16 mai 2018, et l'album de la semaine, il n'y en a pas. L'album de la semaine, c'est vous. Puisque je vous ai demandé la semaine dernière, en début de semaine, comme ça, je vous ai dit, tiens, allez, puisqu'on approche de la fin juin, puisqu'on approche de la fin de la saison de la saga des Fab Four, si vous nous faisiez vous-même l'émission, eh bien c'est ce que vous avez fait. Vous avez demandé du McCartney, du McCartney, du McCartney, du McCartney, du McCartney, un petit peu de Lennon, un petit peu de Ringo Starr, très peu. Et puis des Beatles, des Beatles, des Beatles. Bref, tout ça, c'est vous qui l'avez concocté. Je vous donne les 5 premiers pour vous faire plaisir. Alors, vous m'aviez donné une liste et moi, j'ai tourné un petit peu pour que ce soit, on va dire, un petit peu plus agréable à écouter, hein, ou quelque chose comme ça. Sinon, il y avait du McCartney au début que ça. Alors moi, ça me dérange pas, hein, mais bon. On va écouter Ode to a Corralabère sur Pipes of Peace en 83. Je vous parle de le remaster de Pipes of Peace, parce qu'au départ, c'est juste une phase B. Il y aura également pour Lennon, Give Me Some Truth sur Imagine. Pour McCartney encore, ce sera So Bad sur Pipes of Peace. George Harrison viendra nous chanter Bye Bye Love, une reprise. Bah oui, forcément. Et également Beware of Darkness. Pour le reste, eh bien, mais je vous invite à rester sur 90.7, qui est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h. Et également, si vous êtes fan d'Internet, vous êtes sur www.rigfm.fr, que vous soyez sur Bordeaux, que vous soyez quelque part en France, quelque part en Europe, quelque part dans le monde, voire même dans l'univers, pourquoi pas. C'est une possibilité, n'oublions jamais cela. Voilà. Donc, on est parti pour 2 heures. Et ça va bien se passer, j'en suis sûr. Je vous donne rendez-vous sur le site Facebook de la saga des Fab Four. Vous cherchez le groupe, la saga des Fab Four, et on discute. Première chanson, Ode to a Corralabère. Oh, sirupeux, mignon, agréable. Paul McCartney sur RIG. La vérité, en 1971, John Lennon sur l'album Imagine. Quelques années plus tard, en 1983, sur l'album Pipes of Peace, Paul McCartney a créé la chanson So Bad. Et c'est Linda qui lui a suggéré de chanter de cette façon-là, une belle façon, avec une voix de fossé. You avec Ringo Starr à la batterie qui fait pop-pop-pom en même temps qu'il tape sur ses fûts. Autre chanson, George Harrison en 1974. Bye bye love, sur RG. Que je passe cette chanson-là dans La Ségale et Fab Four. Je ne suis pas sûr, faudrait vérifier. On reste avec George Harrison et Beware of Darkness. Celle-là, je l'ai passée régulièrement. Oui, oui, oui. C'est sur l'album All Things Must Pass et c'est sur RG. Watch out now, take a beware of falling swingers. Darkness.

pratiquement 6 minutes de 20 de bonheur avec Paul McCartney, Little Lamb Dragonfly, sur l'album Red Rose Speedway en 1973. J'ai fait un petit calcul sur la playlist, puisque c'est vous qui avez préparé la saga des Fab Four aujourd'hui, en demandant les titres que vous aviez envie d'entendre. Eh bien, il y a 9 Paul McCartney, c'est normal, et il y a 5 Lennon, 5 Harrison, un seul Ringo Starr et 9 Beatles. C'est pas mal comme choix. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga des Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Années 60, John Lennon y croit, et fin des années 60, même, on va dire plutôt début des années 70, John Lennon n'y croit plus du tout, et entre les deux, c'est passé toute une vie pour lui et pour ses trois copains. Voici God, Monsieur John Lennon, qui ne croit plus aux Beatles, sur RG. By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. just believe in me. Look on me. That's reality. Cette question, comment survivre à sa propre légende? Les Beatles ont tellement apporté à la musique en si peu de temps, c'était pas évident d'arriver à se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont réussi quand même à faire quelque chose, et c'était vraiment très très bien. Un album brut, un diamant cet album-là. L'opposé de Abbey Road, le dernier album enregistré par les Beatles, était quelque part très technique. Celui-ci, l'album Plastic Ono Band de John Lennon, est l'opposé. C'est le plus simple possible, ce sont des tripes qui sortent, etc. Mais c'est vachement bien. Excellent album. Un an plus tard, en 1971, l'album All Things Must Pass recèle également de superbes chansons. Une des causes de la séparation des Beatles, ça n'est pas seulement Yoko Ono, forcément, évidemment, c'est pas seulement elle. C'est le fait qu'ils étaient très très créatifs, Lennon, McCartney et Harrison. Et Harrison n'avait le droit qu'à une ou deux chansons par album. Pensez bien qu'à un moment donné, il en avait marre parce qu'il arrivait à faire de très très belles chansons. En voici une preuve, All Things Must Pass sur RIG. Elle a été travaillée avec les Beatles, refusée par les Beatles. Du coup, il la sortira pour lui-même en 1971. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Montez le son. Là, il y a chef-d'œuvre de chef-d'œuvre. While My Guitar Gently Weeps sur RIG. Je vais mettre le son à fond dans la radio. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Gently breathe. quel chef-d'œuvre. J'adore ce morceau. Si je devais, enfin, non, j'ai pas envie de dire si je devais en prendre qu'un seul parce que c'est trop dur. Mais ce morceau-là, fou, là, là, là, là, ça fait je sais pas combien d'années que je l'écoute. Je ne sais pas combien de milliers, parce que là, je pense qu'on peut parler de milliers d'écoutes et je n'en suis absolument pas lassé. Vous êtes bien sur RIG, c'est vous qui avez fait l'émission ce soir de 22h, de 20h à 22h02, j'espère. C'est vous qui avez choisi les morceaux et nous les écoutons en ce moment grâce à vous sur l'antenne de RIG 90.7 ou sur www.rigfm.fr. Let's go. Yeah. Back Writer, les Beatles, avec chose surprenante, je l'ai écouté pendant des années sans entendre Frère Jacques, jusqu'au moment où on me l'a bien mis en bien séparé. C'était dans un truc YouTube, un gars qui est très très fort, un Italien, dont le nom m'échappe là pour l'instant, mais qui vous dit comment chanter telle chanson, et qui sépare les voix par exemple, etc. Et là il chante Frère Jacques, sans doute parce que c'est la sonorité qui allait bien, parce que ça n'a aucun rapport avec la chanson. Et là, je me suis dit, bon sang, mais oui, ils disent Frère Jacques, et j'avais jamais fait attention jusqu'à maintenant. Il y a quelques années déjà, quand même. Bon, on revient encore à l'album All Things Must Pass qui vous intéresse et c'est normal, c'est un vrai chef-d'œuvre. Voici The Art of Dying sur RIG. Évidemment, c'est signé George Harrison. RIG 90.7, la radio des Beatles. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. You know you made me cry. I see no use in wondering why. You're giving me the same old line. I'm wondering why.

girls, let's have some rock and roll. En 1976, sur le meilleur live de l'univers, Soilé McCartney au maximum. Montez le son. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. We'll be right back.

3 Lennon à la suite, c'est maintenant Hold On, puis le medley Bring It On Home To Me, Send Me Some Loving et One Day At A Time sur la RG. Cool, vous êtes sur la RG. John, hold on, it's gonna be alright. You're gonna win the fight. Gonna be alright. You're gonna make the fight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on. days so lonely. Version différente de celle que vous pouvez retrouver sur l'album d'habitude, sur l'album d'origine, je voulais dire. Voilà, nous essayons de ne plus arrêter parce que dans quelques minutes, le prince sera là et donc il faudra que je lui cède la place. Voici Summer of 69, Paul McCartney sur RIG. Bushes in the bushes, waspy pinches, 16 inches round the waist, and it's all in the name of good taste. In the summer of 59, dandelions shine up to the pavement, dress and socks and fishnet stockings, dirty combs from mighty homes, the girls are chased, and it's all in the name of good taste.

s'est-il passé à l'arrière de sa voiture? On se le demanderait presque. The Backseat of My Car, 1971, sur l'album Ram, c'était Paul McCartney. Et celle-là, Something, George Harrison. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Petit tour en live en 1990 sur l'album Tripping the Life Fantastic. Voici Figure of Eight sur RIG. To give it away. Chanson, vous montez le son, parce que c'est waouh sur RIG. Oh, faut que je vous fasse une révélation. Le vrai nom d'Eric Gallo, c'est Eric Gallos. Il aurait récupéré le gant de l'infini avec toutes les gemmes plus une, la gemme du rock'n'roll. Va-t-il éradiquer la mauvaise musique? La réponse dans quelques instants dans Johnny de A à Z avec le grand Eric Gallos. A bientôt, merci à vous, bisous aux filles, poignées de main aux garçons. C'était la saga des Fab Four numéro 376. Salut, ciao. Thierry, pour ton émission, mais Thierry, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as tout faux, Thierry, puisque je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux que enlever les mauvaises musiques qu'avec la BAT, la brigade anti-techno. Et toi, je ne connais pas ton nom, à part... t'es qui? C'est qui? Songe. Songe? Oui, avec les pouvoirs. Ah oui, Songe. Alors, tu es Songe, alors. Mais bon, je ne peux rien faire sans toi. Voilà, je suis... Voilà, nous sommes indissociables, tu le sais bien. Et surtout, tous les mercredis soirs, on vous le prouve. On vous le prouve. Merci, Thierry.